Chapitre 4 La récolte d'Ali Pépé. Allée Grignac, Porrentruy, Montrognon et Maragougna vécurent ainsi côte à côte. Qui sait ce que sont devenus mes trois compagnons, se disaient-ils tous quatre chacun de son côté. Ils sont morts sans doute, prisonniers pour le moins. Ma foi, c'est leur affaire, la fortune revient de droit au plus adroit. Pendant un mois, Porrentruy dormit, Montrognon dévora, Allée Grignac racla de la mandole en sourdine et Maragougna combina des économies impossibles. Le 28e jour de sa captivité, Montrognon fit à Ali Pépé un sourire qu'il s'efforça de rendre aussi gracieux qu'il put. Ce dernier en fut effrayé, craignant que, pour prix d'une telle faveur, on ne lui demanda crédit. Assieds-toi en face de moi, dit le seigneur de Bourglastique de plus en plus aimable à Ali Pépé, de plus en plus inquiet. Je suis là de manger seul, et d'ailleurs j'ai à causer avec toi. L'hôtelier prit place, se versa rasade et attendit. Je t'ai observé depuis que je suis ici. Et cet examen a été tout à ton avantage. Occupé comme je l'étais, nous n'avons échangé que peu de paroles. Elles m'ont suffi cependant pour t'apprécier. J'ai reconnu en toi un de ces esprits forts qui, considérant la vie comme un voyage, rejettent dès les premières étapes tout ce qui peut les embarrasser en chemin. La conscience est pour eux une inconnue dont le nom les fait sourire. Et le remords, un épouvantail inventé par les faibles dans le but d'arrêter les forts. Ils ne demandent à la vie que ce qu'elle peut donner, mais ils ne sont pas d'humeur à lui faire grâce d'une jouissance, quel qu'en soit le prix. Les gens comme moi encouragent volontiers cela. Me comprends-tu? Cela dépend de la suite. Je vous dirai cela tout à l'heure. Continuez. Je voyage, ainsi qu'on te l'a dit, pour le mieux des intérêts gastronomiques de plusieurs souverains. L'un d'eux, dont je me plais à taire le nom, m'a envoyé dans ce pays avec une mission vraiment extraordinaire, dont j'hésite à te faire part. N'hésitez pas, monseigneur, je me crois digne de vous comprendre. Le roi, dont je suis l'envoyé, a une fille aussi capricieuse que belle, et il est l'esclave de ses moindres caprices. Elle a lu dans un auteur de ce pays que les Sarrasins devaient la fraîcheur de leur teint à l'emploi d'une gelée singulière. Je n'ose vraiment pas te dire de quoi elle se compose. Vous pouvez tout oser avec moi, monseigneur. Eh bien, on assure qu'il faut, pour la composer, d'abord une tête humaine. Oh, oh! Dit Ali Pépé en reculant sa chaise. « Vous êtes terrible à comprendre, savez-vous bien ?» Et l'on prétend que celles de ce pays sont, pour cet usage, bien supérieures à toutes les autres. J'ai maladroitement promis d'en rapporter une, et si je manquais à ma parole, la mienne, à défaut d'autres, servirait aux expériences de la princesse. On m'a fait comprendre qu'assurer la conservation du teint des jeunes filles, c'était faire un acte philanthropique, et je me suis follement engagé dans cette entreprise. J'offrirai de grand cœur à celui qui m'aiderait à en sortir la moitié de ce qui m'est promis. Ali Pépé rapprocha sa chaise de la table. « Et combien vous a-t-on promis ?» « Cent onces d'or. Connaîtrais-tu un honnête négociant qui consentit à se charger d'une telle fourniture ?»« Peut-être bien, mais toute peine mérite salaire. Si je vous sers d'intermédiaire, n'aurai-je rien ?»« Ta réclamation est juste. Je promets 50 onces, 25 pour lui, 25 pour toi. Vous aurez votre affaire. » Dès demain, dès ce soir, mais il me faut moitié d'avance, si vous alliez changer d'avis et me laisser la marchandise pour compte. Entre honnêtes gens. Entre honnêtes gens comme nous, on prend ses précautions. Soit, voici la somme. Ali Pépé compta plusieurs fois l'or du chevalier, fit sonner toutes les pièces les unes après les autres, les pesa en connaisseur et dit simplement « Le comptier, vous serez servi à souhait. Je vous livrerai même le sac par-dessus le marché. » Puis il sortit sans saluer. C'était l'heure du déjeuner d'Allégrignac. L'hôtelier monta auprès du comte de Salençon et le trouva rêveur. « Dis-moi, Ali Pépé, t'est-il jamais arrivé de te marier ?»« Jamais, monseigneur, je suis l'aîné d'une race qui s'éteindra avec moi. »« Alors, tu ne peux pas comprendre tout ce que je souffre. »« Vous souffrez, cher seigneur ?»« Mon cœur déborde et je sens que je puis me confier à toi. » Écoute cette histoire et plains ton hôte infortuné. Ma vie s'écoulait heureuse sur les rives que baigne l'océan Sarmatique, lorsqu'un jour je rencontrai la fille du roi de Scandinavie. Cette merveille du Nord était plus blanche que la neige, plus blonde que le soleil, plus potelée que le jeune lamantin. Sa beauté m'éblouit et je jurai de mourir à son service. « Votre seigneurie m'excusera si je lui demande de commencer son histoire par le dénouement. Plusieurs voyageurs m'attendent en bas. J'abrégerai. Il est d'usage dans certaines contrées glacées d'envoyer toute jeune fille qui a atteint sa 17e année faire un voyage de 2 mois à la recherche d'un époux. Ceux qui lui plaisent et auxquels elle a plu l'accompagnent jusque chez son père, qui fait alors un choix parmi les prétendants. La belle Vahalaka venait d'achever sa 17e année lorsque je la rencontrai au début de son voyage. La magnificence de son traîneau attira d'abord mes regards. 30 loups y étaient attelés, qui secouaient à qui mieux mieux les houppes de soie rouge et les grelots d'acier de leur harnais. 797 prétendants la suivaient à cheval. Les regards de la belle Scandinave rencontrèrent les miens, et soudain elle comprit que son voyage était terminé. En effet, pouvait-elle rencontrer mieux que moi? Elle n'eut pas cette folle présomption, et, me faisant signe de me joindre au cortège, elle donna ordre de retourner à Ketakousmovoskaya, qui est la capitale des états du roi son père. Ce dernier, qui était un homme plein de jugement et de goût, confirma le choix de sa fille, et il fut décidé que 2 mois après, je deviendrais l'époux de la belle Vahalaka. Pendant 15 jours, les fêtes succédèrent aux fêtes. Les courses en traîneau à la clarté des torches étaient suivies de bals et de concerts. La chasse à l'ours blanc, la pêche à la baleine et 1000 autres plaisirs innocents me fournirent l'occasion de faire briller mon intelligence, ma force, mon courage, mon adresse, ma présence d'esprit, ma grâce, ma souplesse, mais... » Ali Pépé jeta un regard suppliant à Allégrignac. « J'abrège. Rien n'est complet dans ce monde, et l'incomparable Vahalaka avait sa part d'imperfection. Elle était coquette, menteuse, inconstante, folle, prétentieuse, inconséquente. « Seigneur, soupira le malheureux auditeur du comte de Salençon. J'abrège, tu as raison, à quoi bon rouvrir tant de blessures à peine cicatrisées ? Un page m'apporta un jour un billet de ma future. « Partez, me disait-elle, partez pour l'amour de moi. Les liens qui vont nous unir sont tellement sérieux que je veux, avant de les souder à jamais, m'assurer que je ne me suis pas trompé en faisant choix de vous. Partez, et pendant votre absence, je vais m'abandonner sans réserve à toutes les séductions de la vie. Je ferai tout pour vous oublier. Et si, dans une année, quand vous reviendrez, je vous aime encore, alors, mon chevalier, je serai votre femme. Vous irez en Espagne. Ce n'est pas sans raison que je vous donne ce paradis pour terre d'exil. On prétend que les hommes y sont les plus beaux du monde. Eh bien, mon fiancé, quand l'époque du retour sera venue, faites choix du plus incomparable de ces mécréants, tranchez-lui la tête et apportez-la-moi, pour que je juge par mes yeux de la beauté du type barbaresque. Allons bon, se dit Ali Pépé, voilà mes quatre personnages qui recommencent. Tout marche ici par série, et je suis bien certain que les deux autres vont me faire la même demande. Où celui-ci veut-il en venir? Puissiez-vous triompher de ces épreuves, ajoutait la belle Valaaka. Pour le moment, nul ne m'est plus cher que vous. La lecture de cette lettre me déchira le cœur. Cependant, j'eus le courage de partir sans voir ma fiancée. Une année, je traînais ma souffrance dans toutes les latitudes, mais le temps des épreuves est passé, et je vais repartir pour ma belle patrie. Une seule chose me retient encore, puis-je me présenter devant celle qui m'est si chère, sans lui offrir cette tête, objet de ses désirs? D'où vient que vous ne vous l'êtes pas encore procuré, brave et fort comme vous prétendez l'être? C'est bien simple, tu vas me comprendre. Je suis dans l'ordinaire de la vie un vrai lion de vaillance. La panthère et l'ours blanc ne me vont pas à la cheville, mais dès qu'il s'agit de combattre, dès que je suis en présence du danger, je frémis à l'idée d'être indigne de la belle Valaaka. L'émotion fait trembler mon bras, et un enfant aurait raison de moi. Bref, je t'offre 40 onces de ta tête. » Ali Pépé regarda le chevalier de travers. « Est-ce pour ramener cette conclusion que votre seigneurie s'est donné la peine de conter cette histoire? Nous aurions pu l'un et l'autre mieux employer notre temps. Si ta tête m'a paru le plus parfait modèle du type oriental, y a-t-il là de quoi te fâcher? Tu tiens à elle, n'en parlons plus, et procure-moi pour le même prix quelque autre spécimen de la race asiatique. Combien m'avez-vous dit que vous y vouliez mettre ? 40 onces d'or. Vous n'aurez rien de présentable pour ce prix. Depuis la guerre que nous fait Charlemagne, la valeur de toute chose a augmenté. 50 onces alors. Mettez-en 60, dont 30 sur le champ, et je vous promets ce qu'il y a de mieux. Je suis pressé de partir. Demain, vous aurez ce que vous désirez. J'y compte. Les 30 onces une fois en poche, Ali Pépé descendit un étage et entra chez le sire de Machavoine. Porrentruy ne dormait pas. « J'en étais sûr, » pensa l'aubergiste. « Voilà mon dormeur plus éveillé qu'un écureuil. » Il fit semblant de se retirer. « Entre, » dit le chevalier, « j'ai à te parler. »« Nous y voilà, » pensa Ali Pépé en s'inclinant. « Je compte partir demain. » « Déjà ?» dit l'hôtelier en regardant son lit avec une amoureuse convoitise. « Cela dépend de toi. Les voyageurs aiment à rapporter quelques souvenirs des endroits qu'ils ont visités. Et j'ai eu trop à me féliciter de l'accueil qui m'a été fait ici pour manquer à la coutume. Que me conseilles-tu de rapporter en France? Il faut que tu m'aides dans ce choix. Je ne suis pas sorti et ne connais rien de ce pays. » « Notre raisin est le meilleur du nord de l'Espagne. Peut-être que... »« Non, pas cela. Je voudrais quelque chose qui se conservât. » »« Les filles de nos contrées viennent de 10 lieues à la ronde à Alagon pour y acheter des bijoux en laiton d'or et d'argent et des colliers de perles fines et de corail. »« Trouve-moi quelque chose de mieux que cela. » »« Votre seigneurie m'embarrasse fort. » Ce pays n'a de vraiment remarquable que ses habitants, et je ne puis cependant pas lui offrir d'emporter un de nos Aragonais. Tu me donnes une idée, mais elle est si étrange que j'oserais à peine la dire. Bah, un peu de honte est bientôt passée. Je te donnerais la chose en 1000 à deviner que tu te laboureras la cervelle en vain pendant l'éternité. Alors, monseigneur, permettez-moi de ne pas chercher. Tu dis donc que ces mécréants sont de beaux hommes? Ils ont des yeux adorablement fendus en amande, les lèvres rouges, les dents blanches, la peau dorée et duvetée de noir. Mais tu ne me parles que de leur tête. Ce n'est pas sans motif, monseigneur. Ils n'ont que cela de bien. Aussi les filles ont-elles coutume de dire « Cœur de Castillan, esprit catalan, torse de Léonais, jambe de Navarrais, tête d'Aragonais, font l'homme parfait. » Ma foi, l'idée est plaisante, et je te rends cette justice que tu l'as eue le premier. Votre seigneurie est vraiment trop bonne, et m'attribue plus d'esprit que je n'en ai. Puisque tu as eu cette idée, il faut que tu m'aides à l'exécuter. Ah ça, comment me procurer une tête d'Aragonais? Quoi, vous voudriez remporter une vraie tête? Une tête vivante? Vivante n'est pas le mot, mais une tête qui est vécue. Voilà une idée que personne n'a eue avant vous. Je l'espère bien. Notre pays, monseigneur, a cela de merveilleux qu'avec de l'argent, on peut tout s'y procurer. Et si vous me permettiez de faire à ma guise? Réussis et réussis vite. Voilà tout ce que je te demande. Je veux partir demain. Il me faudrait 30 onces d'or d'avance. Le gibier que vous demandez se défend, et rien ne donne du cœur au chasseur comme d'être payé comptant. Ali Pépé ajouta 30 onces d'or aux 70 déjà reçues, puis il s'en fut enfermé le tout dans une cachette dont seul il avait le secret. Allons voir maintenant mon 4e pensionnaire. Je suis curieux de savoir ce que celui-là va me proposer. Maragugna n'avait pas quitté depuis un mois l'affreux chenil qu'il s'était choisi pour demeure. Voulant tirer profit de son isolement, il avait passé ce temps déshabillé pour éviter d'user ses vêtements. Quand Ali Pépé entra, il trouva le chevalier en train de se tailler un mouchoir de poche dans un des pans de sa chemise. « Vous arrivez à merveille, j'avais à vous parler. Je vous écoute. Je crains vraiment que vous ne preniez mal ce que j'ai à vous dire et que vous ne vous trompiez sur mes intentions. Je crois devoir avant tout vous prévenir que je suis plus misérable encore que je n'en ai la mine. Vous comprenez d'ailleurs que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on se prive de tout comme je le fais. Et certes, je ne dédaignerais pas les bons morceaux si j'avais les moyens de me les procurer. Figurez-vous que ma misère est telle. Permettez, dit brusquement Ali Pépé, je vois que vous allez mettre une heure à m'adresser une demande qui peut être formulée en quelques secondes. Je veux bien sacrifier mon temps à qui le paye, mais vous êtes trop pauvre ou trop ladre pour que je n'aille pas droit au but avec vous. Il vous faut une tête sarrasine et vous n'osez pas me la demander. Bonté divine! Qui a pu vous dire cela? Vous-même? Moi? Et quand donc? Vous avez le sommeil communicatif, messire, et vous en dites plus long endormi qu'éveillé. De l'écurie où je couche, je vous ai entendu. Maintenant que vous me voyez bien informé, allons rondement en affaire. Maragugna était infiniment plus blanc que son linge. Je puis vous avoir ce que vous désirez, mais vous comprenez bien que ce n'est pas marchandise courante. Aussi, j'en veux un bon prix. 50 onces d'or, séance tenante, 50 demain matin, après livraison. Maragugna tomba foudroyé sur le plancher. Ali Pépé crut pendant un moment qu'il était allé trop loin. Le cœur ne battait plus, le corps était glacé, la respiration nulle. « Allons, allons, revenez à vous, je vous passerai cela pour 95 onces. Voyons, 90, parce que voilà un mois que je vous sers. » Le comte de Riom ne bougeait toujours pas. « Mettons 85 onces, mais je n'en rabattrai pas une piécette. » Le chevalier ouvrit l'œil droit. « Tenez, je suis moins féroce que je n'en ai l'air. » ajouta l'aubergiste en tapant dans les mains de Maragugna. « Je vais vous faire une proposition. » Le mort ouvrit l'autre œil. « Tenez-vous beaucoup à ce que ce soit une tête ? C'est que, je vais vous dire, j'ai déjà reçu une commande du même genre et je vous vendrai le reste pas cher. »« Le chevalier referma les deux yeux et bougea moins que jamais. « Cela ne vous convient pas. Eh bien, n'en parlons plus. Je vais vous prouver encore mon bon vouloir en baissant encore mes prétentions. » Les yeux se rouvrirent et le cœur commença à battre. « Va pour 91, mais je n'en démordrai plus. » Et Ali Pépé se leva. Maragounia poussa un soupir qui eût attendri un tigre à jeun, mais qui ne fit aucune impression sur l'hôtelier. « 91 d'or ! Mais c'est plus que je ne dépense en 8 ans. Vous voulez me mettre sur la paille ? Bah, vous y êtes déjà. Vous me mettez le couteau sur la gorge. C'est à prendre ou à laisser. D'ailleurs, on n'achète pas de pareils objets toutes les semaines. Une fois, cela vous va-t-il ? J'aime mieux mourir. 2 fois. 10 onces. Je vous donne 10 onces. 3 fois. Attendez, on ne prend pas de telles résolutions sans réfléchir. Eh bien, je reviendrai, mais je vous jure que vous regretterez de ne m'avoir pas pris au mot. » Ali Pépé sortit, laissant Maragounia en proie à 1000 sentiments divers, livide, tremblant, éperdu.